bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcastination, les intermittents du podcast. Donc après avoir fait le bilan des mangas, du manga en 2012, ainsi que le bilan de l'animation 2012, qui arrivera en ce début de semaine prochaine, nous allons nous intéresser aux sorties manga concernant les mois de janvier et février 2013. Parce que même si on pourrait s'attendre à un début d'année plutôt calme, il y a quand même pas mal de sorties, de suites, de nouveaux, de premiers tomes et de one-shot qui sont sortis. Donc on va faire un peu un état des lieux, savoir ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, pourquoi il faut lire, etc. Bah pour cela, j'accueille mon habituel chroniqueur, collègue, rayé la mention inutile, Tuntun. Bonsoir Tuntun. Salut, Et salut à tous. j'accueille, pardon, excuse-moi, j'accueille également Kurita, Bonsoir à tous. qui nous avait déjà accompagnés sur l'épisode bilan manga 2012. Hein, on fera, je pense, un épisode qui sera moins long, mais tout aussi intéressant. Tout à fait. Et avant tout, on va commencer par les news avec toi, Antoine. Hein. Oui. Tu vas nous parler, je crois, des ventes de Jojo pour commencer. Ouais, des ventes de Jojo et de Q&A. Donc, de Q&A et de Idola aussi. Donc oui, Tonkam a publié sur sa page Facebook les différentes ventes, enfin les ventes des premiers tirages de Steel Ball Run, Stardust Crusaders, pardon, Q&A et Idola. Ils ont fait ça parce que voilà, c'est des titres où ils ont prévenu avant d'éditer qu'il fallait un certain nombre de ventes pour que ça continue, parce que c'est des titres qui marchent assez peu et qui coûtent quand même cher à faire. Et Faut... surtout qui sont parce que ce sont deux arcs de deux segments différents du manga et déjà Pour qui est très loin Jojo, à ouais. l'origine quoi. Pour Jojo, ouais, mais bah voilà, on peut les diviser en séries. Donc Stardust, ça fait 17-18, je crois, Je tomes. crois, oui. Steel Ball Run, ça fait un petit peu plus, ça fait 24. Ah, donc c'est des pour donc ils ont publié, voilà, les ventes pour l'instant qui ont été faites. Donc sachant qu'ils sont sortis, les deux sont sortis. Fin janvier, et Q&A et Idol A, ou E, je sais pas comment on dit. Ils sont sortis pareil courant janvier. Donc pour tous ces tomes, ils ont fait un tirage à 3000 exemplaires. Donc ce qui est relativement faible, surtout pour des séries comme ça, parce que bon, c'est quand même. Araki et Mitsuru Adachi, c'est Oui, quand même des grands grands noms. mais d'un côté, Jojo, ça se vend pas en France, donc autant pour prendre le Ouais, risque. Hein. ça se vend pas, mais Enfin, là, oui dans ce oui cas. non, mais c'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça fait quand même peu Oui, c'est pour vrai, des ça. séries qu'on considère, enfin qui sont considérées cultes par beaucoup de Oui. monde. Après voilà, c'est des titres mineurs en France. Là, Tonkam fait l'effort de bien épousser quand même, parce qu'ils font quand même beaucoup de pubs autour de ces titres, surtout les JoJo. Et donc voilà, pour l'instant, donc on a 3000 exemplaires de tirés pour chaque volume. Pour les Stardust Crusader, pardon, ils en ont expédié 224 000. En 2000, machin. C'est des Putain. 124 000. Oui, non, j'ai du mal à lire. 2524 exemplaires. Ça commence bien ce podcast. 2524 exemplaires qu'ils ont distribués à toutes les librairies, les magasins pour qu'ils les vendent. Et GFK, donc institut de donne des chiffres de vente de livres, disent qu'il y en a 1013 de vendus. Donc pour Stardust Crusader 1, pour Steel Ball Run, ils en ont expédié 2842, et il y en a 1215 de vendus. Pour Q&A, il y en a 2298 de distribués et 887 de vendus. Et pour Idle A, c'est 2147 d'expédiés et 876 de vendus. Donc pour les deux titres de Mitsuru Adachi, c'est clairement pas terrible. Déjà, on voit qu'il y en a moins qui sont distribués que pour les JoJo. Et puis sur la quantité, il y en a quand même, c'est moins d'un tiers. Sachant qu'ils ont été mis en vente avant Steel Ball Run et Stardust Crusader. Donc sur une un peu plus longue période, ils ont mis plus de moins de ils en ont vendu moins. Donc c'est pas très bon pour ces deux-là. Mais par contre pour Stardust et Steel Ball Run, c'est quand même franchement pas mal. Ils approchent de la moitié des vendus sur un premier tirage, sachant que Tonka m'avait déclaré, je crois qu'il leur fallait 1500 exemplaires par tome de vendus pour rentrer dans leurs frais. Donc bah, pour l'instant c'est plutôt sur la bonne voie et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Jojo. C'est clair, surtout ce qui est intéressant, c'est la transparence qu'ils ont eue Ouais. par rapport à ça, parce Ouais. qu'ils avaient prévenu dès le début. Bon, déjà, ils avaient mis, voilà, vous voulez cette série-là, vous nous la demandez souvent, t'as toujours une différence entre les personnes qui veulent et puis les personnes qui achètent. Donc, ils ont dit, voilà, bon, bah, on vous le sort ça, par contre, si ça ne dépasse pas tant d'exemplaires vendus, eh ben, on l'arrête. Et comme ça, par rapport à ces chiffres-là, en plus, ce sont des chiffres officiels, puisque c'est un organisme indépendant, puisque c'est JFK. Donc, forcément, ça montre que les gens ont suivi, que les gens achètent, et bah, je trouve ça bien que Tonkam, justement, publie ces chiffres pour montrer où ils en sont, quoi. Surtout sur une série qui s'annonce longue sur les deux arcs qui sont sortis. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne initiative, mais en même temps ils sont presque obligés. Enfin, en tout cas, ça fait partie de la communication de dire bah on en est là, continuez à acheter, sinon ou faites de la pub autour de vous, sinon ça s'arrête quoi. C'est clair, hein. Bon, je pense qu'on attend du coup la suite. Les autres tomes devraient sortir d'ici quelques Stardust mois. Crusaders 2 est sorti la semaine dernière. Ouais. Steel Ball Run va sortir le mois de mars. Donc, Steel Ball Run, c'est le Et troisième, hein, c'est ça, parce que les deux premiers tomes étaient sortis non, ensemble. Steel Non, Ball c'est le Run, c'est le deuxième. deuxième tome. En fait, ils ont D'accord. sorti le tome 1 des deux séries en D'accord. même temps, fin janvier. Et après, ils passent en alternance, donc c'est-à-dire Stardust au mois de février, au mois d'avril, au mois de juin, etc. Avec deux tomes par mois, à partir d'avril. Deux tomes par mois à partir d'avril. Oui, c'est ça, D'accord. Et Steel Ball Run, donc ça va être le mois où il n'y a pas de sortie Stardust, c'est-à-dire que là ça va être mars, mai, juillet, etc. ça sera un tome. Et on a pas de nouvelles de. C'était Phantom Blood qui voulait ressortir. Ils avaient parlé de Japan Expo. Ouais, Mais mais c'est du en coup, fonction des ventes, hein, je pense. ça risque de pas se faire à mon avis, parce qu'il y aura déjà deux séries de JoJo en même temps, sachant que ils font deux tomes pour Stardust, ça va aller relativement vite, mais à mon avis, Phantom Blood, on ne l'aura pas avant l'année prochaine. Donc, affaire à suivre sur ces différents titres de chez Tonkam. On va se tourner maintenant du côté de Kurita qui va nous annoncer une nouvelle série licenciée pour la France. Donc la série c'est Shingeki no Kyojin. Donc c'est un shonen paru chez Kodansha au Japon. Donc le nom français c'est L'attaque des Titans. Donc ça fait grincer beaucoup de dents parce que ça fait un peu tiep, hein, franchement. On va pas se mentir. Surtout par rapport au film qui portait le nom Titan, les deux films qui sont sortis il y a quelques années de ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le film avec le héros d'Avatar, Sam Worthington, qui a fait Ah une oui, soupe. oui, je vois très bien. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref, ça ne concerne pas cette news. Et donc, les deux premiers tomes de L'Attaque des Titans vont sortir le 26 juin 2013. Donc, une bonne initiative de sortir deux tomes en même temps pour bah, accrocher le public, quoi. Peut-être faire un petit résumé de l'histoire, peut-être. Tout à fait. Donc, en fait, ça se déroule dans un monde post-apocalyptique où les derniers humains sont retranchés dans une cité-forteresse géante et doivent donc résister aux titans qui ont pris possession de la planète pratiquement. Donc on va suivre le jeune Eren qui est, fait partie du corps d'élite chargé de décimer tous les titans. Donc c'est un bon shonen assez sombre. Donc Pika l'a classé en seinen de par sa nature assez violente. Que voilà. C'est... Alors... Il y a combien de tomes actuellement au Japon ? 9. C'est mensuel donc. Ouais. Et c'est un très gros succès là-bas. Hein. Ouais, parce qu'il y a même une, du coup, il y a même une série télé. La série télé est annoncée pour le mois d'avril Tout à fait. Au Japon. Ce sera par IG Productions. Ah oui, donc c'est en plus studio très très important, derrière notamment Ghost in the Shell. Hein. Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut dire par contre pour ceux qui vont découvrir le manga avec la sortie française, c'est qu'il faut surtout pas s'arrêter au trait. Ah oui, c'est très particulier. Hein. Il est assez rigide en fait dans les personnages, ouais. Que ce soit les titans, que ce soit les humains, et faut vraiment pas s'arrêter à ça et aller plus loin, plus en avant dans le. Enfin, ça s'améliore un peu au cours du temps quand même, mais c'est toujours assez griffonné tout ça. Enfin, moi j'aime bien perso, c'est un et style. Ça c'est assez sombre aussi. Hein. Brut, ouais, voilà. Ça rend bien la violence. Par contre, l'action, voilà. L'action, il la dessine quand même très. Ah, et les combats sont vraiment classe. Surtout la tête des titans, quoi. C'est. Ils font très peur. Hein. Exactement. C'est très anxiogène. Tout à fait, notamment le titan qui fait la couverture du premier tome. Avec, c'est 220 000. On dirait une boule de muscle en fait, tout simplement. C'est ça, avec une boule de muscle avec des dents. Il n'y a pas de peau. Oui, c'est ça, c'est comme. C'est, il est. Là, il a pas de peau, il est. Ouais. Ah oui, ils sont tous à poil aussi. Exactement. il faut pas s'arrêter, alors on parlait des graphismes, mais il faut pas s'arrêter non plus à la couverture choisie par Pika, qui est pas forcément. Bon, qui correspond au niveau de l'illustration à ce qui s'est fait au Japon, mais au niveau de la police de caractère, c'est assez. Moche. Particulier, voilà. Moche, on peut le dire. J'espère que Pika passera dès quand même sur cette édition parce que ouais. Il est pas mal attendu, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Vu que c'est quand même un gros succès au Japon. Ouais, Pika, moi j'ai un petit peu de mal avec certains de leurs choix. Ils font des choses bien, mais ils font. Enfin, des fois, ils peuvent aussi bâcler le travail et j'espère que sur Shingeki no Kyojin, ils vont faire les choses bien. Donc on verra ça du coup au mois de juin. Au mois de juin en France. Tout à fait. C'est plus qu'à édition donc. On va passer alors à une news que j'ai sélectionnée parmi tant d'autres. C'est à l'occasion de la sortie donc à l'occasion du salon du livre pardon. Les éditions Tonkam vont ressortir une édition spéciale de la série Vagabond donc dont on connaît l'auteur Takehiko Inoue pour différents mangas notamment Slam Dunk, Real et donc Vagabond. Et donc cette édition découverte sera vendue au prix de 15€ et regroupera les premiers et deuxièmes tomes de la série, avec en plus une hardcover, donc c'est plutôt, plutôt intéressant par rapport au prix proposé, hein, ce qui fait pas mal de pages pour voir si on peut accrocher à la série ou pas. Et donc c'est prévu pour ce mois-ci, pour le 20 mars en France. Et il me semble qu'il n'y aura qu'une seule édition. Donc, c'est un peu dommage ça par contre. Qu'ils fassent pas toute la série en hardcover du coup. C'est vrai. Oui. Ça va jurer un peu dans les bibliothèques. Oui, c'est vrai. Mais que bon, ça va, ouais. Oui. Entre le double tome et si tu achètes la suite derrière, ça sera pas le même format. Ouais. Bon. Exact. Bah, moi qui suis bah, personnellement qui n'ai pas encore lu Vagabond, c'est une bonne occasion de découvrir par rapport au nombre. Surtout vu le prix. Hein. Voilà, notamment parce que le prix, ouais. Quand on voit le prix individuel d'un tome, qui est genre 8-9€. Bah, les deux tomes, en fait, tome 1 et 2, ouais, c'est 18,70€. Ouais, voilà, donc ça vaut le coup. Voilà, donc surtout une hardcover en plus, c'est pas négligeable à ce niveau-là. C'est vrai. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, d'aller au Salon du Livre, sachez que l'auteur sera présent, présent là-bas. Il y aura aussi l'auteur de Les Vacances de Jésus et Bouddha. Donc édité chez Kurokawa. Et dont le prochain tome devrait sortir... mars, 13 mars. Mars, c'est ça, voilà. Vivement. Tout à fait. Et là, il y a pour parler aussi des vacances de Jésus-Bouddha, il y a également une série télé qui est prévue. Ça Je crois que donne. c'est un OAV seulement. Juste un OAV, d'accord. Je crois. J'avais dû mettre la vidéo sur Podcastination d'ailleurs. Ça a l'air assez délivré avec des choix de couleurs assez particuliers. Mais ça devrait faire plaisir à ceux qui ont lu le manga et même à ceux qui veulent découvrir la série. On va passer à la suite des news avec Toon Toon qui va nous parler d'une nouvelle création chez Kiun. Ouais, parce que bah voilà, je trouve l'initiative très bonne et en fait voilà, Kiun depuis quelques temps essaye de créer des séries directement avec des auteurs japonais. Donc, comme on a pu le voir avec Prophétie et Roji qui était un petit manga qui est un manga pour Pour les enfants? Roji, un peu Prophétie, parce que... Oui, bien sûr, Et donc voilà, ils remettent ça avec donc H et Ellie, shonen d'aventure fait par Mamiya Takizaki. Il était sur Element Line. On avait déjà publié ses premières publications d'ailleurs. Et voilà, pour l'instant, on a juste vu un premier dessin, 2 pages ou certainement, tout en couleur, qui est très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ouais, j'ai vu, c'est joli. Ça a l'air très joli. Alors après, à voir comment ça va être à l'intérieur, mais bon, je trouve ça très très bien de la part de Kiun de déjà pour eux d'essayer de s'affranchir des éditeurs japonais et puis directement avec des auteurs japonais. Ankama avait déjà fait ça un petit peu avec Akiba, un magazine de pré-pub, sauf que C'est assez fou, ouais. et là Kiun fait vraiment les choses bien et un petit manga à surveiller et à Donc on va promouvoir. passer à la donc au stream. Alors Kurita l'a beaucoup tweeté, retweeté, Oui. mis en avant, balancé GIF. les gifs pardon. Donc c'est tu nous parlais donc de l'ouverture d'un stream par Yusuke Murata. Ouais, alors Yusuke Murata, je pense que beaucoup de monde le connaît, c'est le dessinateur d'Achille 21, mon manga préféré, le meilleur manga du monde, et donc le dessinateur aussi de One Punch Man. Et donc il a récemment ouvert un stream sur le site Ustream, où tout simplement il dessine en direct les pages de One Punch Man. On peut suivre pratiquement tous les jours, ouais. Il Tous met les un petit jours. mais tous les jours, ouais. D'ailleurs, on se demande quand il dort, parce qu'au Ouais, final, il c'est est vrai tout le temps en train de que streamer. tout le temps, peu importe l'heure, c'est vraiment un plaisir de le suivre dessiner parce que bon, c'est quand même un dessinateur qui a beaucoup de talent, on va pas se mentir. Ça nous permet de voir en plus l'évolution en direct des planches qu'on va lire quelques jours après dans les chapitres de One Punch Man. Et surtout qu'il les... enfin, la plupart, il les met en couleur en plus. Ouais, le dernier chapitre était tout en couleur, c'était vraiment magnifique. Et quasiment que des doubles pages, hein, c'est ça? Ouais, c'était ça. Ouais. Du coup, il y avait un gif animé pour tout le chapitre. C'est ça. C'était magnifique. Ils s'amusent aussi, si je me trompe pas, à dessiner sur ses doigts les héros. Oui, c'est vrai qu'il utilise bien Twitter pour donner des petits dessins comme ça aux fans. C'est vraiment une bonne initiative. D'ailleurs, on en avait parlé de ça dans le vieux podcast qu'on avait fait l'année dernière sur l'édition numérique, etc. Exact. Et on avait parlé notamment de ses, voilà, sur son compte Twitter, tous ces petits dessins qu'il fait des histoires en plusieurs tweets, fait sur des bouts de table ou des trucs comme ça, et qui sont juste hallucinantes de créativité. Et puis, au niveau du dessin, c'est Ah difficile de bah. faire mieux à l'heure actuelle. Ah, c'est un des meilleurs là, quand même. Ouais. Et puis voilà, en plus, il dessine très très bien et en plus il met en couleur très très bien. Et d'ailleurs, s'il y a un éditeur français qui voudrait bien éditer One Punch Man, Ah, ça serait tellement bien. comptez bien. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand même Hellsing 21 avait été édité en son temps par Glénat, donc c'est Ouais. bizarre qu'il Et ne. depuis, enfin, il a fait beaucoup de one-shot ou de séries très courtes Ouais, surtout qui des one sont, shot, ouais. ouais, qui sont peu éditables en fait. Bah, les one shot qui sortent dans un jump ou un truc comme ça, c'est pas très. C'est pas Ouais, vraiment d'intérêt, ça franchement. sortira un de ces quatre en recueil, mais enfin, Que ça je les ai peut. lus, mais bon, ouais, c'est pas mémorable. Non. Il est pas scénariste, quoi. C'est sûr. C'est très bien. Et donc voilà, bah, de toute façon, on vous mettra l'adresse de Ustream Ouais. dans le petit article qui ira avec ce podcast. Sachant qu'il y a déjà un article sur Exact, podcasting. oui. Bah, on le remettra, on enregistrera le GIF. Le gif. Le GIF, j'ai du mal à le dire. Le GIF sur l'article à ce moment-là. Ouais. Alors. Moi, je vais vous parler. C'est pas vraiment une news sur le manga, c'est une news que j'ai lue dans le dernier courrier international et qui est assez drôle d'ailleurs. Bon, à l'origine, faut voir en fait, c'est une publicité pour un opérateur de communication, de téléphonique, pardon, italien. Donc, ça se passe en Italie. Et donc, ça s'est passé le 21 janvier dernier. En fait, les usagers du métro italien, du métro milanais pour être plus précis, ont été un peu surpris parce que, donc, en prenant leur métro, ils se sont retrouvés une station après, à la station, de Shibuya, donc, en plein Japon. Évidemment, en fait, toute la station en question avait été modifiée. Donc, on retrouvait alors aussi bien des écrans avec des programmes de télévision en japonais. Il y avait des contrôleurs de tickets en japonais. Il y avait même des acteurs, voilà, pour mimer des usagers, pour vraiment donner l'impression qu'en 2 minutes, ils s'étaient passés de Milan à Tokyo. Donc l'initiative est assez drôle et c'est le genre de choses qui est pas faite qui est assez rare pour être soulignée et surtout dans le souci du détail bah, d'aller jusqu'à faire venir des figurants pour les contrôleurs et les voyageurs japonais donc c'est plutôt marrant et ça s'est passé juste de l'autre côté des Alpes donc on attend de voir la station Pyramide, ligne 14, très connue pour ses restaurants japonais, de nous permettre de vivre ce type d'expérience. Et voilà, donc je pense qu'on a terminé avec les news, on a même terminé avec les news, je sais pas, je pense, et on va Ah, on a passer fini. tout de suite, ouais, tout à fait, avec les mangas qu'on a pu lire ces mois-ci, les mois de janvier et de février. Donc on va commencer avec un one-shot, lu par Toontoon, qui s'appelle Bye Bye My Brother. Alors explique-nous pourquoi il t'a plu ce manga, Bah, tu Toontoon. sais pas s'il m'a plu. T'es Ah. pas dit. Ah, tu l'as pas lu? Je l'ai pas dit s'il m'a plu ou pas. Exact. Mais non, bah, en fait, il m'a plu, mais pas trop. Donc en fait, Bye Bye My Brother, c'est un manga de Yoshihiro Yanagawa, qui est un auteur pas connu en France, puisque c'est sa première publication. Et pourtant, il a quand même pas mal de métiers, puisqu'il a sorti pas mal de titres. 9 ans, je crois. Pas fait de trucs très, très marquants, on va dire. Donc en fait, Bye Bye My Brother, l'histoire d'un jeune garçon, un jeune homme plutôt, donc qui était boxeur et qui, après une blessure, arrêtait la boxe et puis maintenant vend des magazines dans la rue, enfin, est à la rue d'ailleurs. On est le début du manga et est un peu lié à la mafia, on va dire, locale. En fait, ce jeune homme, il s'est mis à la boxe après avoir perdu son petit frère, qui est mort d'une pneumonie quand ils étaient gamins. Il s'est mis à la boxe par la suite. Et voilà, il cherchait. Enfin, il y a toute une histoire autour de sa recherche de. Mon petit frère, le fait qu'il se sente coupable, qu'il soit, comment dire, quoi, responsable de sa pneumonie et tout, et donc il va essayer d'oublier tout ça à travers la boxe. Donc après, il va subir cette blessure qui va l'empêcher de combattre, etc. Et en fait, donc ça, c'est expliqué pendant le manga par des flashbacks, et en fait, le présent, ça va se dérouler bien plus tard. Et qu'il rencontre un jeune homme qui veut devenir boxeur, et en fait, ce jeune homme, il ressemble énormément à son petit frère. Et donc, il va le prendre sous son aile, il va lui apprendre à boxer, etc. Et après, on va avoir toutes les réminiscences de l'histoire avec son petit frère, etc. C'est un manga qui marche beaucoup par flashback. La narration est assez simpliste et l'histoire est pleine de bons sentiments, mais peut-être un petit peu trop parfois. Pareil, il y a une histoire avec la mort, donc la mort qui est représentée par un chat. Ah oui, alors parce que le dessin c'est animalier. C'est pas des hommes, c'est des chats. C'est mode furie, quoi. Ouais. Mais c'est très très joli, c'est très bien dessiné, et c'est en partie pour ça que je l'ai acheté, en fait. Le problème, c'est que voilà, c'est un petit peu trop gentillé et l'histoire a pas énormément d'intérêt. Et enfin voilà, c'est un peu banal, on va dire, en dehors du dessin qui est vraiment très très joli, et là-dessus, il y a rien à dire. Vraiment, ça se lit très vite puisque c'est assez court, il y a un peu plus de 100 pages. Après, il y a des petites histoires annexes, mais c'est pareil, c'est pas... Enfin, on voit que c'est un truc un petit peu sans grande envergure, sans grande prétention. Ça se lit bien, mais est-ce que ça vaut le prix que ça coûte? Je suis pas tellement sûr, donc... Si vous aimez beaucoup le dessin, vous pouvez y aller, sinon c'est pas nécessaire. C'est édité par quel éditeur? C'est édité par Saka. Donc, filière de Casterman. Très bien. Et ben voilà, on va passer. Tu as fini sur Bye Bye My Brother? Oui. Parfait. Alors, on va passer sur la catégorie des premiers tomes, parce qu'il y en a eu quand même pas mal sur ces 2 mois. Déjà, on va commencer par un manga qu'on a lu tous les trois, pour avoir un avis assez, assez complet de pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Donc, c'est Silver Spoon. Nouveau manga de Hiromu Arakawa, donc que l'on connaît notamment pour son travail sur Fullmetal Alchemist ou Hero Tales, sorti tous les deux chez Kurokawa, tout comme Silver Spoon. Et donc Silver Spoon, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Hugo, qui arrive dans un lycée agricole, qui lui a connu toujours le système classique de l'éducation japonaise, c'est-à-dire les cours au collège plus les cours le soir, voilà, être tout le temps dans dans ce fonctionnement là. Et donc là, il se retrouve en fait sa motivation pour être présent dans le lycée agricole, il n'y en a pas forcément. Il cherche un peu sa voie, il cherche encore sa voie d'ailleurs. Et il découvre justement un univers qui est tout nouveau pour lui, qui est totalement étranger, avec des horaires, des tâches bien différentes de ce qu'il connaît habituellement. Et donc c'est le premier tome qui lance la série. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé les uns et les autres, Kurita par exemple? Bah moi, tout simplement, c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Donc c'est mon premier contact avec Hiromu Arakawa, parce que j'ai pas lu Fullmetal Alchemist ni Hero Tales. Oh. Je sais. Du coup, je vais mettre à Fullmetal Alchemist maintenant. Attention, déjà, non, attention, parce que c'est très très différent. Oui, je sais, mais... Oui, mais c'est mieux. Vas-y, continue. Donc, moi j'ai vraiment aimé. Déjà, j'aime beaucoup le dessin, qui est assez caractéristique de l'auteur, je trouve. J'aime bien les persos, qui ont tous une tête bien différente, ont tous leur style. J'ai trouvé ça très drôle, parce qu'on découvre la vie dans le lycée agricole à travers les yeux de Hugo, donc du coup on est un peu comme lui, on sait pas du tout comment ça marche, on découvre les activités, genre bah. Alors ça, excuse-moi, je on te va coupe, mais reparler. Ouais. c'est bien Parisien qui parle, excuse-moi. Oui, bah, je Je te sais, je laisse. parle. J'étais sûr que vous alliez dire ça en plus. J'en étais sûr. Vas-y, continue, excuse-moi. Et c'est vrai que moi, c'est pas mon milieu du tout, donc forcément. Donc, bah, pourtant, on trouve des banalités pour vous, du coup. Mais moi, ça m'a surpris. Est-ce que tu Ouais. savais pour les œufs d'où il venait? Ça, je savais quand même. Mais c'était bien retranscrit dans le manga, je trouve, quand même. Parce C'est qu'après, il a peur de manger des œufs parce qu'il sait que ça sort, bah, du trou de balle des poules. vrai. Sur le coup, c'est bête, hein, mais c'est marrant. C'est vrai. Bah, si vous, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment amusant, je trouve. Alors, du coup, donc il y a un coup de cœur d'un côté, et de l'autre côté, il y a plutôt une déception. En tout cas, c'est pas forcément, t'as pas forcément apprécié plus que ça, Tonton. Bah, c'est pas que. Enfin, j'ai trouvé la lecture très sympa, etc. Mais c'est pas ce qu'on m'a vendu, en fait. Je lisais partout. Un manga exceptionnel, machin. Il reçoit des prix dans tous les sens. Et Rumo Arakawa. Et du coup, bah, je m'attendais à quelque chose de plus. De meilleur, tout simplement. Parce que là, j'ai retrouvé ouais, un manga fermier. Donc. C'est bien en effet pour les Parisiens ou les Tokyoïdes qui n'ont jamais foutu un pied à la campagne. T'apprends des choses, mais moi, enfin, quasiment toutes les informations, à part quelques trucs, genre sur les courses de chevaux et tout, qui est plutôt sympa d'ailleurs, j'apprends pas grand-chose. Après, je pense que je suis pas la cible non plus, mais voilà, au niveau de le. Du héros, je le trouve. Je comprends pas ses motivations en fait, ou ses non-motivations, parce qu'il a pas grand. On n'a pas Justement, c'est beaucoup de ça, il n'a pas de motivations. motivation, ouais, c'est tout. Ouais, mais Oui. en fait, je comprends pas ce qu'il fout là. Je comprends pas. Bah, Ouais, il veut juste être le meilleur, parce qu'il voilà, c'est pense que ça. les élèves sont bah, tous des tanches, ouais, parce C'est que ça. c'est des fermiers, quoi. Ouais, ça, Mais je au suis final. d'accord. Et c'est plutôt bien foutu, enfin, c'est plutôt bien foutu. C'est marrant. Il y a des passages marrants qui. Qu'en ressortent comme les résultats Ah du oui. trimestre, etc. Mais je sais pas, j'ai du mal à accrocher à ce personnage du coup qui est, enfin, il débarque à la ferme en pensant que ouais, ça va être facile. Enfin, moi j'ai du mal à accrocher à ce personnage. Mais c'est vrai qu'après il y a une galerie de personnages secondaires qui est très très bon. C'est un peu la force d'Arakawa à chaque fois. D'ailleurs, dans FMA, il y avait pléthore de personnages secondaires extraordinaires. D'ailleurs, il y a un petit caméo de Armstrong Oui, tout à fait, ouais. dans Silver Spoon. Et pour ce qui est du dessin, bah, je l'ai trouvé un petit peu banal. Alors, c'est du Arakawa, on reconnaît tout de suite. On reconnaît tout de suite le trait, mais je trouve rien d'extraordinaire Bon, c'est simple, là-dedans. c'est propre. Très simple, c'est très propre, mais je trouve et ça manque de fougue par rapport à. Alors, c'est pas le même type de manga, mais Oui, là, il n'y a pas vraiment la FMA ou place. Hero Tales, voilà, ça manque un peu de peps, je trouve. Quoique la course de Mais cheval était bien, je trouve. C'est bien ouais, dessiné. c'est vrai que c'était pas mal. Enfin, après, elle dessine très bien les animaux aussi Ouais. voilà mais Et les euh, tracteurs alors aussi. c'est une enfin je... c'est vrai mais c'est une lecture très très agréable seulement voilà, par rapport à ce qu'on m'avait vendu je m'attendais à plus. Ouais, non, j'ai bien. Bah, alors, moi, je l'ai lu, la lecture est toute fraîche parce qu'elle est d'aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, il y a un peu de vrai dans ce que vous dites tous les deux déjà. Moi, j'ai bien aimé l'histoire déjà. Alors, même s'il n'a pas de. Même s'il n'a pas de. Alors, c'est pas de motivation, il n'a pas de but précis pour Il n'a l'instant pas de rêve, c'est dans ce ça. qui. Voilà, c'est ça. Après, voilà, je pense que de toute façon, on va découvrir au fur et à mesure de l'avancée dans les tomes ce qu'il en est réellement, ce qui l'a fait venir ici, parce qu'on voit un moment, il semble quand même assez bah, pas très proche de sa famille, puisqu'il reçoit un moment un message de sa mère, il a pas, finalement, il répond pas, voilà, il y a plein d'interrogations encore par rapport à ce premier tome. En tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'il est volontaire parce que par rapport aux différentes choses qui sont imposées, le fait qu'il Oui, faut il se lever rechigne à pas. 5 heures tous les jours, voilà, au début, bah, il, Ah, c'est forcément, dur, il. si, il rushing, mais en fait, c'est sa nature où il veut toujours faire un peu pour Oui, il aider les s'habitue. autres, qui fait que par la force des choses, il est fait, même Ouais. si il râle tout le temps. Et bah moi, bon, je trouve ça, en fait, le thème du manga et le manga en lui-même, je trouvais ultra rafraîchissant par rapport à ce qu'on peut trouver à côté, quoi. Et ça, je trouve c'est une des qualités du titre, hein, parce que voilà, il y a pas d'enjeu non plus. On n'est pas là pour sauver une planète, quoi, ou sauver un pays ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Et ça se met en place tout simplement. On est tout de suite dans le vif du sujet, c'est ça qui est très intéressant. Alors après, au niveau du dessin, le petit bémol, c'est que ben, moi j'aime beaucoup le dessin, le chara design est sympa aussi, mais c'est un peu chiche. On aimerait avoir un peu plus de détails au niveau des décors notamment, qui restent sur certaines pages vraiment vides. On est plus sur un dialogue entre deux personnages, et donc il y a champ contre champ, il y a la mise en place d'un champ contre champ qui se fait. Mais voilà, après, c'est l'auteur aussi qui fonctionne comme ça. L'auteur a montré son talent déjà sur ce qu'elle a pu faire auparavant, notamment sur Fullmetal Alchemist, sur une série longue. Donc je me fais pas de soucis par rapport à ça, et vraiment, c'est une. Alors je le mets pas en couture parce qu'il y a d'autres choses à côté qui sont aussi sympas et même plus, j'ai envie de dire, mais je conseille vivement à chacun de mettre la main dessus, parce que il y a quand même pas mal d'informations intéressantes, même si là encore faut rester dans le contexte qu'on est au Japon et qu'on n'est pas en France, même s'il y a beaucoup de les parallèles peuvent être faits très rapidement et très facilement. Donc moi je te conseille vraiment déjà pour découvrir, hein, ce premier tome, et en attendant la suite qui arrivera assez assez rapidement d'ailleurs. En avril. Tout à fait pour le deuxième tome. Alors on va passer, soit si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Silver Spoon. Non, ça Non. ira. Achetez-le. Achetez-le tout simplement. D'ailleurs, juste entre parenthèses, le titre est un élément de. Ben, l'explication du titre, en fait, qui est dès ce premier tome, me fait penser vaguement à ce que sera le dénouement de l'histoire. Mais bon, ça, après, je vais pas en parler plus que ça. J'en parlerai. Je vous laisse imaginer ce qui peut en être. Mais je trouve qu'il y a quand même des gros warnings à ce moment-là, quoi. Enfin, bref. On va passer à la suite avec. Donc, on en parlait en news tout à l'heure des arcs JoJo's qui ont été édités en France. Et donc, on va parler notamment de Stardust Crusaders et de Steel Ball Run. Alors, je vous propose même si il n'y a que toi, Tonton, qui a lu Steel Ball Run, pardon, de regrouper les deux et d'en parler ensemble de ces deux. Alors, notamment pour commencer, Stardust Crusaders, ce que vous avez pu en penser chacun. Kurita, d'ailleurs, d'abord, c'est la première fois que tu découvres, que tu lis un manga de JoJo's Bizarre Adventure. Alors en fait, je suis rentré dans JoJo avec l'animé là qui est en cours de diffusion, donc qui couvre la première à deuxième partie. Et j'ai commencé à lire Stone Ocean avant, même si c'est une partie assez éloignée, bah ça m'empêche pas de me plonger dedans. Et donc là, bah, Stardust Crusader, pas tellement de choses à dire, c'est du JoJo quoi. Je saurais pas expliquer parce que JoJo faut connaître un peu pour pouvoir comprendre de quoi on va parler. Il y a quand même un trait particulier, le trait de l'auteur. Alors il s'améliore aussi de tome en tome, d'arc en arc. Je sais pas, d'arc en arc en fait. Ça a l'air un peu de revenir à zéro à chaque arc, je trouve. Il reprend un Ouais. style différent ou. Bah en fait le style a changé au bout d'un moment. Les persos sont devenus un peu moins baraqués. Et même je trouve qu'à chaque début d'arc, le dessin redevient un peu. Parce que enfin, c'est Il doit se des réhabituer au perso, quoi, je trouve. nouveaux persos, ouais, Ouais. donc faut qu'il se refasse à la Ouais. main, on va dire. Plus à les dessiner. Mais je trouve, d'un côté, on a Stardust Crusader qui est la troisième partie de JoJo. Donc, Mmh. C'est-à-dire que ça date de fin 80, début 90, Ça, si je dis pas de bêtises. ouais. Donc ça a un trait très années 80. C'est un peu au Kutonoken, quoi. Voilà, c'est un peu au Kutonoken avec les poses gay-friendly d'Araki. Voilà, c'est très années 80. C'est à Steel Ball Run qui a commencé au début des années 2000. Et qui a un trait beaucoup plus. Alors, toujours, enfin, voilà, on reconnaît la patte Araki avec ses poses improbables, vêtements un peu étranges, et certains personnages un peu bizarres, mais on sent quand même un trait beaucoup plus moderne dans les Ouais, visages, c'est dans vrai. l'anatomie, etc. Qui est. C'est vrai que dans Stardust, ils sont tous un peu carrés, les gars. Ouais. Les mâchoires, tu te coupes dessus. Mais voilà. Je sais pas, tu veux continuer, Kurita? Bah non, on a dit tout ce qu'il fallait. Vous conseillez Ah ou... Ouais. clairement, ouais. Clairement, et surtout Stardust, s'il y a une série par laquelle commencer C'est pour celle-là. Jojo, c'est celle-là. Celle C'est qui pose celle les qui bases a. de maintenant, Voilà. quoi. C'est Avec celle les qui a introduit stands. les stands. Ah oui, tout à fait. Enfin, les stands plutôt. Donc c'est les pouvoirs récurrents dans JoJo. C'est un peu Voilà, qui est les une doppelgangers. sorte de. Oui, c'est ça. C'est Une des sorte esprits qui se d'incarnation battent. de son âme. Ouais, c'est ça. C'est Shaman Voilà, qui a King, des en fait. pouvoirs différents. Vous êtes en train de me dire, c'est Shaman King. Bah c'est ça un peu, oui. Bah Mais Shaman Shaman King s'est King est très inspiré. inspiré. Mais de toute façon, Comme enfin. Yu-Gi-Oh! Aussi, s'est Voilà, inspiré de. de toute façon, dans les années 80, il y a deux grands mangas qui ont inspiré le shonen, c'est Jojo et Dragon Ball. Ouais. Et voilà, le système de stand a été très repris par la suite dans plein de mangas. Et ça, enfin, c'est un truc qui a révolutionné le shonen. Enfin, qui fait le shonen moderne, en fait, quoi. Donc voilà, autre chose à acheter si vous avez un budget manga extensible. Et juste pour Steel Ball Run, comme évoqué, c'est dans une ambiance western, Ouais, qui c'est est totalement différent. super, enfin qui est vraiment super, super bien foutu, avec des personnages. Moi, je les trouve extraordinaires. Et voilà, bah c'est, enfin, joli, c'est l'action est super bien mise en scène. Enfin, voilà, faut acheter. Par contre, l'action dans Jojo, parfois on comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est assez confus, je trouve. Bah, surtout, ouais, dans les plus vieux Ouais. où on Bah reste même avec dans un Stone découpage, Ocean, je crois. ouais, on reste dans un découpage assez carré, enfin Ouais. avec assez peu de folie, mais je trouve ça quand même, des fois c'est un peu chargé, Ouais, c'est ça en fait. mais ça reste, je trouve, ça reste toujours suffisamment lisible pour comprendre ce qui se passe, En fait, il y a beaucoup de détails et tout, donc ouais. Donc voilà. voilà. Parfait. On va passer alors à un manga dont on avait déjà parlé lors du bilan manga 2012 sur les attentes sur 2013. Donc c'est Skate Dance, édité donc chez Kaze Manga, où donc les tomes 1 et 2 étaient sortis en même temps à un prix découverte. Donc 4 euros le tome. c'est ça, voilà, exactement. Donc pour 8 euros pour les deux premiers tomes, c'était plutôt une bonne chose, une bonne opération. Alors toi, Kurita, tu connaissais déjà, donc tu étais déjà emballé Ouais. de. Tu savais déjà que tu avais de la qualité entre les mains en Ah achetant bah oui. les tomes. Toi, Tuntun, tu as pensé à la même chose quand tu as lu, tu connaissais déjà auparavant ou pas du tout? Moi, je connaissais pas, mais de ce qu'on avait déjà parlé avec Kurita dans le podcast bilan, on était plutôt d'accord. On avait beaucoup aimé le ton assez frais du truc, quoi. Et puis les enquêtes, qui étaient développées, c'est vraiment. On en a peu des mangas comme ça en Ouais. France, et ça fait du bien de voir un peu d'absurde et des personnages très drôles. Alors, moi j'ai apprécié, en fait j'étais surpris parce que quand tu en avais parlé, Kurita, tu me dis bon c'est un manga avec de l'humour, donc voilà, c'est grosse grosse banane et tout. Et en fait, Pas tant que ça. J'ai pas dit que c'était vraiment grosse Non, banane, non, non, non, non, non, en fait, je me hein. suis dit, moi, tu sais, je vois toujours humour. En fait, j'ai même plutôt apprécié ça parce que c'est assez sobre dans la représentation qu'on en fait. Il n'y a pas de personne qui tombe d'un coup, tu vois, dans genre, ce genre de choses qu'on connaît dans l'imagerie manga où quand quelqu'un va dire une absurdité, ben, tout le monde tombe par terre. Et là, il va au-delà de ça et vraiment tout passe par les réactions des uns et des autres, mais. D'un point de vue ça reste complètement ça reste vraiment proportionné on va dire à ce que les uns et les autres vont dire et j'ai vraiment bien apprécié, j'ai beaucoup apprécié. Alors on peut peut-être en parler rapidement des l'introduction du personnage qui parle en qui transforme tout ce qu'elle voit en shoujo. Ça, c'est juste magnifique. J'ai surtout beaucoup aimé dans le deuxième tome la battle entre la pièce de théâtre et les marionnettes. Ah J'ai oui, trouvé c'était bien ça ça. vraiment très très bien, très rafraîchissant d'ailleurs comme ce que vous venez de dire à l'instant, tous les deux. Et vraiment, c'est même le trait est très clair, hein. On comprend tout de suite ce qui se passe, il n'y a pas de fioriture. C'est net et il y a toujours le niveau de dessin est constant entre les chapitres, entre les pages, entre les cases même. Et c'est une bonne surprise à ce niveau-là et même au niveau de l'histoire où on sent qu'il y a quand même une belle recherche à chaque fois sur les différentes histoires qui peuvent être développées sur un chapitre comme sur deux ou trois chapitres et après on passe sur autre chose à chaque fois, quoi. On retrouve les personnages genre bah, le comme tu en avais parlé, Samouraï. oui, tout à fait. Et Sawako aussi. Où, en plus, je pense que la première fois on le voit, c'est sur un espèce de. Où elle pense avoir vu un fantôme, en fait. Voilà, c'est sur une absurdité justement de la situation, sur une situation qui est extrêmement cocasse. Et bah tu te dis c'est pas possible, c'est genre de situation qui peut vraiment arriver que dans le lycée où ils sont, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Mais c'est très même la fille je ne sais plus comment elle s'appelle qui est rebelle et puis qui après rejoint le groupe en question. Il y a toute la partie aussi des élèves qui gèrent un peu bah, qui sont assez stricts, Le conseil étudiant. le conseil d'études, merci. Et je pense qu'il y a vraiment, par rapport à la galerie de personnages qu'il y a et qu'il va encore développer, j'imagine, il y a quand même pas mal de substances, pas mal de concret pour la suite, quoi. Donc en tout cas une bonne surprise. Et vu le prix en plus, hein. Exactement. Le prix, attention, le prix qui fonctionne uniquement sur la première édition. S'il y a une Oui. réédition, il sera au prix normal, je pense que ce sera autour de 7 euros par tome. 6-7 euros par tome. Ouais, je sais pas si ça a bien marché d'ailleurs. Je Bonne pense pas, question. mais. Bah oui, on n'a pas de nouvelles à ce niveau-là. De toute façon, je pense que le prix a dû quand même pas mal booster les ventes. Ouais, mais je sais pas si le public va suivre après quand ce sera plus cher. Ouais, pour la suite, ouais, c'est sûr. À voir, quoi. Ouais. Antoine, Tonton, pardon, justement, tu en parlais également tout à l'heure par rapport au prix, par rapport au chiffre de vente, pardon, de Q&A. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux premiers tomes? Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon premier, c'est mon, mon ma première série de Mitsuru Adachi. Donc, Quoi? c'est de quoi? Quoi? Non, je disais quoi, stupeur? Eh bah ouais, mais voilà, j'ai pas fait Cross Game, j'ai pas fait H2, j'ai Ouch. pas fait ces grands classiques. Voilà. Mais voilà, je me suis dit, bah c'est l'occasion. En plus, ça a peut-être aidé ton cam pour la suite. Donc on sait jamais, mais voilà, Q&A, c'est une histoire bah, la Dashi, c'est-à-dire ça mêle romance avec de la tranche de vie, avec là très peu de sport, même s'il y en a un petit peu par l'athlétisme. D'habitude, il y a beaucoup plus de sport, notamment du baseball. Mais voilà, il y a un petit côté fantastique aussi, parce que donc. Rapidement pour l'histoire, c'est un jeune garçon donc, qui a 15 ans, oui c'est ça, 15 ans, qui revient dans sa ville natale au bout de 6 ans, donc avec sa famille, puisque son père a été muté, etc. Ils reviennent 6 ans après, donc on le voit redécouvrir la ville, les personnes qu'il a connues, mais avec 6 ans de plus, et donc comment elles ont évolué, etc. Mais le petit côté fantastique en plus, c'est que son frère, donc, qui est Q, lui le héros c'est le A de Q&A, et son frère c'est Q. Donc son frère est décédé au moment où, à peu près au moment où ils ont déménagé, il y a 6 ans avant. Et du coup là ils reviennent dans la maison et apparaît donc le fantôme de son frère. Et il n'y a que lui qui peut le voir. Donc sachant que son frère c'était son grand frère de 2 ans son aîné. C'était quelqu'un qui était très fort en sport, qui était adoré par tout le monde, etc. Et donc lui, il va être un peu comparé à lui tout au long de l'histoire. Et donc pour ce que j'en ai pensé, c'est très frais, c'est très très sympa, c'est super épuré au niveau du dessin, bah, c'est du Adachi, donc. Pas de surprise là-dessus, quoi. Assez peu de, voilà, surprise avec des persos, on reconnaît son trait, quoi, avec les têtes avec des grandes oreilles, etc. Alors, le tome 1 est très sympa, ça met bien en place les personnages, etc. Ça se lit tout seul, il y a pas mal d'humour, mais c'est de l'humour assez léger, etc. Et dans le tome 2, en fait, j'ai un petit peu moins aimé parce qu'il met en place des running gags, notamment les petites culottes des filles, qui est un poil lourd quand il te le ressort à chaque chapitre. Il en met un petit peu trop, et il y a quelques détails comme ça où... Tout découvre le shonen ce soir. Ouais, non mais là, c'est... c'est pas ça, c'est que tu t'attends, enfin c'est pas que tu t'attends pas à ça ou quoi que ce soit, mais c'est que là simplement il en met trop dans ce genre d'histoire, et je trouve ça dommage. Après il y a des trucs vraiment super drôles, comme enfin il brise souvent le quatrième mur, même tout le temps, mais c'est fait, des fois c'est fait de façon assez fine, c'est-à-dire que par exemple on va voir Q en train de lire H2, donc un manga de Adachi. On voit juste la couverture et puis il fait ah, il est trop bien ce manga, donc ça c'est du classique comme on en fait depuis Dr. Slump. Et il y a des trucs un peu plus genre avec les éditeurs et les délais où il va pas hésiter par exemple sur les deux premières pages à faire à représenter ses éditeurs par des lampions. Un manga Tengu va arriver, va péter les lampions, et du coup on va avoir deux pages de noir, juste du noir avec des gens qui parlent dans le noir. Donc il y a des trucs très sympas où il va finir un chapitre en philosophant parce qu'il a pas envie de dessiner la suite de son histoire, enfin des trucs vraiment sympas. Voilà, je le recommande vraiment parce que c'est une bonne lecture malgré quelques running gags un peu lourds. Il y a des personnages très sympas, il y a beaucoup d'humour, il y a des persos féminins très sympas aussi. Et puis voilà, le seul aussi un petit reproche, c'est sur mais bon, ça c'est difficile de leur en vouloir, c'est que c'est des mangas format assez petit et ça coûte 8 € le tome. C'est relativement cher. Après, l'édition est bonne, du bon papier, les jaquettes sont jolies, etc. Mais c'est cher, quoi, pour ce que c'est. Voilà, c'est ça se lit très vite. C'est pas un 300 pages. C'est 8 € pour un shonen en plus. Voilà. Mais après, voilà, on peut comprendre aussi que. Tonkam a du mal à les vendre, donc ils essayent de gratter un peu plus de un peu plus de fric sur ceux qui vendent. Mais sur les vrais fans, quoi. Voilà. Mais justement, peut-être que c'est le prix qui repousse, hein. Bah, je pense pas, mais Mais on sait jamais. Mais en tout cas, c'est un bon manga. Voilà, c'est du Adachi. À la rigueur, pour commencer par du Adachi, de ce que j'ai lu, c'est une bonne série. Surtout que c'est qu'en 6 tomes. Oh non, ça va aller assez vite Ouais, pour la ouais, suite. Ok, et donc on a fini avec les premiers tomes sortis sur février-mars. Janvier et février. Mars-avril, on verra ça plus tard. On va parler maintenant des mangas en cours. Bah là, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Toontoon a été quand même assez fort sur ces 2 mois-ci, je trouve. Mais on va commencer par Bonne Nuit Poon Poon, le tome 6, couverture violette. Grosse ambiance, hein, si on peut dire. sais pas, je Non, je sais sais pas pas. non plus, non. Vu comment ça finit. Ouais, c'est voilà, c'est le twist final est juste oh, la suite quoi. On veut la suite. C'est juste les 4 dernières pages pardon sont monstrueuses dans tous les sens du terme, on va dire. Pour le reste, moi ce que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est qu'on il y a certains passages qui nous permettent aussi de faire le lien avec ce qui s'est passé avant, notamment au premier tome. On se souvient que là, donc Tuntun découvre sa mère par terre suite au fait qu'elle était frappée par son père. Et en fait, on découvre dans le tome 6 ce qui s'est passé juste avant, en fait. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait que cette scène soit. Pour que comment dire la mère se retrouve blessée, se retrouve à l'hôpital, comme on le voit dans le tome 1. Et finalement, c'est assez parlant par rapport au caractère des personnages. Ça permet aussi de compléter par rapport à ce qu'on avait pu connaître auparavant sur l'histoire. C'est très très intéressant. Après, bon, il y a toujours autant de. C'est mon top, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'était mon top pour le mois de février, de mois de janvier et février. Parce qu'on garde toujours cette bizarrerie. C'est toujours très bizarre. On a l'impression toujours d'être dans un univers parallèle avec Bonne Nuit Poon Poon, parce qu'on retrouve toujours des éléments que l'on bah, qui sont tout à fait normaux, puisque même le dessin est très réaliste, hein. Exception faite évidemment de la famille de Poon Poon et de Poon Poon lui-même. Mais c'est toujours très intéressant à lire cette critique, cette histoire dont on se demande encore comment est-ce que ça peut continuer, puisqu'on a toujours l'impression que ça va de mal en pire, hein, mal en pis, pardon. Et puis voilà, il y a toujours plein de nouveaux personnages que l'on voit dans ce tome-là, que l'on ne verra forcément, certainement plus après. Mais c'est toujours de très très bonne qualité. Et on attend la suite, notamment par rapport à ces dernières pages, on attend la suite avec impatience. Je sais pas ce que vous en avez pensé, là encore, même question pour vous deux. Que l'état? Bah, t'as tout dit, hein, franchement. Un des meilleurs tomes jusqu'à présent, je trouve, franchement. Ouais. Plus Poum Poum vieillit, plus ça gagne en folie, je trouve. Hein. Ah Parce ouais. que Poum Poum devient vraiment un personnage assez torturé, on va dire. Tout à Ouais, fait. flippant Flippant des fois. ah, il est flippant, même. Il y a un passage avec... Bon, on va pas te faire raconter, parce que... Il y a Spoil. qu'une fille, et voilà. Il se passe des trucs. Ouais. C'est... Au Mais secours. ouais. Mais c'est vraiment. Enfin. C'est vraiment exceptionnel comme manga. Je sais pas. Je sais pas, oui. Enfin, c'est tellement dense. Il y a tellement de choses. Et y a des chapitres qui sont magnifiques. Ouais, ça te renvoie directement à toi, à ce que tu vis aussi, parce que même si c'est très, enfin, c'est très poussé à l'extrême et ouais, c'est quand même très très fou. Mais il y a des questions que forcément on s'est posé un moment ou quoi que ce soit. Et là-dessus, c'est très fort, quoi. Ça fait un peu de descente aux enfers, je trouve. Plus ça avance. Ouais. C'est pire en pire. Puis il faut dire qu'il est pas très bien entouré, quoi. Oui, c'est vrai que la famille et tout, là. Ouais. Chacun ses problèmes qui se reportent du coup sur Tuntun, sur Poon Poon, Ouais, tout Tuntun, pardon. Chaque fois, je confonds le P et le T, tout. C'est tellement rapide que voilà. Enfin bref, bah, moi c'est mon coup de cœur, c'est la même chose pour vous, c'est une bonne, en tout cas ça reste sur la lignée de ce qu'on des Ah cinq bah oui, premiers tomes. clairement. Et on attend la suite, on attend le tome 7. Il y a combien de tomes au total? Parce qu'il me semble que la 12. série... Ça va se finir en 11 ou 12 tomes, je crois. 12 tomes. Et 12 le tomes. dernier tome est prévu pour novembre, je crois. Ah donc ça va arriver, ah oui, donc Donc 2013... on va presque les avoir rattrapés. La publication se finit bientôt, et les tomes seront finis bientôt au Japon aussi. Fin d'année, Très bien. Bah parfait, on attend, donc on attend la suite avec impatience. tout à fait. On va passer maintenant du shonen pur et dur. On va mélanger les deux. Tiens, d'ailleurs, je vais vous laisser parler là-dessus sur Belzebub 12 et sur Toriko 9. Donc Peux les uns parler de les autres. Toriko si vous voulez. Toriko. Bah, Toriko volume 9, donc ça continue l'arc de la Century Soup. Donc c'est une soupe millénaire, enfin non, pas Siècle. millénaire, des siècles, voilà, qui est composée de des milliers d'aliments glacés, gelés dans une montagne éloignée, qui font couler une soupe et tout. Comme d'habitude avec Toriko, c'est n'importe quoi niveau aliments, quoi. C'est ça qui est fou. À chaque Ah mais fois, ça donne faim. l'auteur, il se dépasse. Donc vraiment l'arc, j'aime beaucoup l'arc. Je sais pas toi, Toon Ouais. Toon. C'est En plus un. je l'ai lu. Parce que là il est pas encore fini, mais Ouais. je l'ai déjà lu en entier et c'est vraiment un Ouais. super arc. Ouais, franchement, j'adore le, comment dire, l'environnement et son, quoi, le truc gelé, tout ça. Je sais pas pourquoi j'adore ça dans les mangas. C'est débile. Et donc, on découvre aussi de nouveaux persos avec Kiet Toriko. C'est Match et Takimaru, si je dis pas de bêtises. Une espèce de samouraï et un chevalier gourmet. N'importe quoi. Ouais, franchement, ils vont loin. T'as la mafia gourmet et les chevaliers gourmets, quoi. Par contre, Takimaru, au niveau du design, il me fait un peu trop penser à, je sais plus comment il Coco? s'appelle. Ouais. Oui, bah avec le bandana, ouais, c'est vrai. C'est un peu un copier-coller, je trouve. Bon, j'aime beaucoup le samouraï, quoi. Ouais, Enfin, le et yakuza les deux samouraï. personnages sont très très forts, quoi. Elles ont la classe, hein. Le mec qui découpe les monstres et tout. Comme c'est original. Ah bah! Ouais, et puis Mais c'est bien Toriko. amené. Toriko dans ce tome, surtout que là, enfin c'est quand même un tome, on va dire le gros de l'arc, il arrive après quoi, la grosse baston et tout. Mais on Mais là, voit ça Toriko prépare. encore progresser, on voit, voilà, les personnages ils continuent à évoluer et C'est ça que j'aime c'est bien vraiment super intéressant à dans suivre. Toriko, c'est le perso de base est fort en fait. Dès le premier tome, on savait qu'il était fort, mais il continue à évoluer quand même. Ça, c'est pas mal. Ouais. Nouvelle technique et tout. C'est super efficace. Ah, bah c'est vrai. Faut que tu lises ça, Romain. J'avais En commencé, j'avais plus, lu le toi qui premier es fan tome. d'Hunter X, tu vas retrouver des éléments Ouais. d'Hunter C'est dedans. ce que j'avais vu notamment sur. Parce que j'avais acheté le premier tome, j'avais pas acheté la suite. Et c'est vrai qu'on retrouvait toute la partie des examens. On pouvait faire le parallèle en fait entre les deux, entre Toriko et Hunter X Hunter, Ah ouais. sur les examens, l'arc justement d'examen du Hunter. Hein. Où toutes les épreuves sont plus folles les unes que les autres, et notamment il y a une épreuve liée à la cuisine et qui est assez. Bah là c'est ça, mais pendant tout le manga quoi. C'est ça pendant 9 tomes et encore plus, parce que c'est un des Ah gros oui, succès. gros succès, Ouais, c'est pas mythique. autant Mais qu'il le voudrait. Shueisha aimerait beaucoup que ça soit un gros succès, mais ça Enfin, pourra pas. ça a des ventes correctes, hein, mais Bon, pas ce qu'ils veulent. il y a une série, il y a un jeu, il y a des jeux vidéo, il y a des films. Ouais, mais c'est Ouais, mais ça, pas. ça existe surtout parce que Shueisha veut vraiment qu'il Oui, c'est fonctionne pour ça qu'ils veulent le parce pousser avec des ils films et veulent tout. en faire leur nouveau Bleach ou Hunter x Hunter. Là, ça arrivera pas, je pense. Et ça arrivera pas, mais puisque là on est déjà très avancé dans la publication et ça Ouais. bouge toujours pas. Mais tout ce qui est dérivé qu'on a pu voir, c'est pas tellement dû au succès du truc, c'est plus de la C'est part de pour faire le Shueisha succès. qui, voilà, pour faire le succès. Alors, du côté de Belzébub, hein, tome 12, hein. Et Ah, ben, vas-y, c'était un Toon-toon. manga très drôle. Ce qui était le cas déjà dès le début. Ouais, Est-ce mais qu'il. celui-là, alors c'est très très référencé jeux vidéo. Ouais, j'adore ce passage moi, avec tous les jeux vidéo là. Ce tome, je le trouve génial. Ouais, Vraiment, excellent. je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et c'est con que tu t'es arrêté Belzébub Je crois que je suis pour le arrêté moment tome parce que. 6 en fait. Bon, faut continuer alors parce que Ouais, Ça rentre dans le C'est vrai gros. que tu t'es arrêté un peu le ventre mou, enfin, c'était pas. Il y avait une petite baisse, Mais mais là, ça là, revient au depuis top. trois tomes, c'est juste Et monstrueux. depuis le nouvel arc. Ouais, et voilà, en plus, il y a un vrai développement de l'histoire, avec de nouvelles choses, des remises en question, etc. Est-ce qu'ils arrivent sur une vraie histoire ou ça Oui, termine? il y a une vraie Ah, histoire un peu quand même. d'accord. Il y a pas. Parce que moi, ce qui me gênait un peu, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, c'est qu'à chaque fois, un arc, on va dire, durait un ou deux chapitres, et puis après, il passait à autre chose. Alors que, Non, voilà, moi, non, ce là, qui. c'est un Là, truc depuis 2-3 plus. tomes, c'est le même arc. Ouais. D'accord. Ah bah, tu vois, bah, je Et verrai, du y coup. a des vrais, y a des vraies remises en question, il y a des. Enfin, il est vraiment intéressant cet arc. Et tous les persos sont bien utilisés, je trouve. Tous les potes Ouais, d'Oga c'est vrai. Et sont mis en valeur. d'ailleurs, Encore une fois, une valeur d'ailleurs, sûre clairement. ouais, mais vraiment, c'est ce tome, le tome 12, là, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Parce que bah, forcément, ça nous touche un peu plus, parce qu'en plus, on est des joueurs, on est des gros joueurs de jeux vidéo. Mais même sans ça, enfin, il est au niveau narration et tout, je le trouve vraiment très très bien foutu. Je le trouve meilleur que le précédent, qui était un peu trop action, je trouvais. Ouais. Là, il y a des bonnes vannes et tout. Donc. Là, Genre c'est la batte vraiment. Alain Delon, quand il utilise le mec pour frapper. C'est n'importe quoi. Ah oui, C'est d'accord. super drôle, quoi. Vraiment, Parce faut que, lire. pour ceux qui connaissent pas, en fait, Alain Delon, c'est à la fois une personne et à la fois un portail entre deux mondes. Ouais. C'est un démon portail. Enfin. Et absolument pas expressif. Hein. Et là, Mais il est Oga s'en super sert bon, pour frapper un celui-là. mec. Ils disent comme sabre. La Trop bien. classe. Ouais. Et voilà, ben voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport Ouais. à ces deux mangas. Alors on va passer au dernier tome, dernier volume qu'on a lu tous les trois en commun. Parce que c'est une série qu'on suit assidûment tous les trois. C'est Bakuman, donc édité chez Kana. Le tome 13, attention, le tome porte-malheur. Et c'est un peu, bah, c'est un peu le cas, oui et non, parce que l'histoire, j'aime beaucoup, parce que finalement, l'histoire prend des risques, entre guillemets, là encore, parce qu'on. Ce qui m'avait un peu déçu au moment au milieu de Bakuman, c'est qu'on était un peu sur. On était vraiment sur un sentier balisé, avec à chaque fois les mêmes étapes, puisque finalement tous les ans ce sont les mêmes étapes, c'est-à-dire bah, toutes les semaines il y avait on est classé on est à quelle position dans le choix des lecteurs, à chaque fois c'est la même chose. Donc il y avait un côté très très redondant. Et là ils arrivent en fait à remettre en question le duo Ouais. Achirogi. Ashirogi, merci. Avec l'apparition d'un troisième personnage qui est un de leurs assistants qui se lance dans un manga à part entière. Et en fait, c'est Takagi qui souhaite absolument l'aider dans ses dans, À bah dans scénariser. à scénariser voilà le début de ce manga. Et en même temps, on a Mashiro qui souhaite lui aussi prendre un peu plus d'initiative, en tout cas rajouter plusieurs arcs à son plusieurs cordes à son arc, pardon. Plusieurs arcs à ses cordes. Voilà, en développant sa propre histoire et en ne s'occupant pas uniquement du dessin, mais aussi du scénario et de toutes les parties annexes liées à l'histoire. Donc c'est plutôt intéressant. Et il y a la fin aussi juste Avec Kiramaru. monstrueuse. Comment? Parle de. Ah, attends. Parce que je me souviens, Non, moi, de c'est. la fin avec Kiramaru, mais alors il y a peut-être des trucs après, je me souviens plus. Oui, il y Ah a non, des c'est. trucs après. Yamaru, c'est quand il fait sa déclaration. Ah oui, non, je Ouais. parlais de ça, moi, en fait. Je parlais de ça, justement. Ah, bah ouais, ça c'était énorme. Ça part. Ouais, mais c'est un des meilleurs personnages Bah de d'ailleurs, il est l'anime. troisième au concours de popularité. Ouais, mais Exactement. il est exceptionnel, ce perso. C'est ça qui est assez marrant, d'ailleurs, dans le concours de popularité, c'est que finalement, alors qu'on pourrait penser que les héros. Bah, que le duo Ashirogi serait en tête, en tout cas dans les premiers, ils sont finalement assez loin. Je suis en train d'essayer de trouver ça. Voilà. Mashiro est deuxième. Mashiro deuxième, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Mais finalement, on retrouve assez loin. Attends, où est-ce qu'il est? Takagi est cinquième. Oui, je suis pas sur la bonne page. J'ai le truc sous les yeux, c'est pour ça. Donc. Exact. On a même un éditeur dans le top 10. Ouf. L'éditeur de. Donc j'ai oublié le nom. Yoshida, voilà. L'éditeur de Rako. 11. Exact. Même Racco, même les personnages de... Il y a Racco qui est classé qui dedans. est classé. Donc il y a même un des personnages, donc il y a une vraie mise en abîme Ouais, c'est génial ça, je dans le trouve. choix des lecteurs, puisqu'il y a même un des personnages qui est créé par un des mangaka qui a été créé par, bah, par pour l'histoire en fait, qui est classé 6e, donc à une bonne position sur dans la popularité des personnages de Bakuman. Voilà, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur Bah, moi j'ai hâte de voir la suite vu la fin où découvre un manga qu'il voulait exactement faire, quoi. Là j'ai trouvé ça pas Ouais, mal. mais Ouais, c'est vrai. alors le manga qui présente, Ouais. je trouve c'est assez, enfin, je lui trouve rien de spécialement original ou quoi que ce soit. Oui, bah dans le manga, c'est eux qui adorent, c'est tout. Il y a un côté Ouais. très Battle Royale. Hein. Bah, il y a un peu Ouais. de tout. Il y a, Enigma, Battle Royale. Kingsgame qui vient de sortir là, chez Ouais. Kiun, qui est un peu dans ce style-là. Enfin, alors je sais pas si c'est si ça, à mon avis, je pense pas, mais si c'est ça qui a influencé, si c'est Bakuman qui a influencé, parce que depuis, il y en a eu un certain nombre qui sont sortis. Donc je sais pas si c'est Bakuman qui a influencé ou plutôt que voilà, c'est Un des hasard aussi, réminiscences hein. de Battle Royale ou de Betum. Enfin voilà, c'est. J'ai enfin la façon dont il le présente, on a l'impression que c'est un truc super original et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est du déjà vu, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite. Et ouais, du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par rapport à ça. Puis un petit mot quand même sur le dessin qui est toujours aussi. Ah, y a rien Oui, à dire bah là-dessus, c'est toujours beau, quoi. c'est Le excellent bâtard. quoi. Ouais, c'est un truc de dingue. Avec toujours des expressions déformées. Après, on revient du sérieux, du déformé. C'est très très très très beau, que ce soit sur les décors ou sur les personnages, et sur tout quoi, sur toute l'œuvre est vraiment magnifique. Donc là Ah, encore une, j'ai oui. bien aimé Shujin qui prend une pause à Jojo un moment. C'est vers la fin. Vous le trouverez. Il prend une pause à Oula. Jojo. Vous allez voir. Et aussi, il faut rappeler aussi qu'on se rapproche de la fin, parce qu'il y a 18 tomes au Japon. 20. 20, ouais. C'est écrit Et derrière en plus. Une série finie en 20 tomes. Ah, exact, bien vu. Ben voilà, ma mémoire me joue des tours, il reste 7 tomes, je pense que ça va aller très vite. Et bah, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses encore, Sachant que les tomes sont bien fournis quand même, hein. Il Ouais. y a du contenu. Bah, ça assure un peu de lecture, quoi. Une bonne heure pour lire. Ah ouais, c'est clair, Oh, c'est plus d'une ça aussi qui est heure. appréciable. Moi, je mets 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, c'est ça. Que ce soit dans Bunny Poon Poon ou dans Bakuman, c'est qu'il y a de la lecture, quoi. Bah, et puis, c'est pas de la lecture, c'est pas C'est pas du inutile, quoi. remplissage. Voilà. Ah oui, carrément. C'est pas comme pouvait l'être un petit peu. Perdu son nom, Death Note. Ouais. Des Ah fois, il oui. y avait des dialogues inutiles, des Souvent expressions en même. rallonge, etc. Je crois que tu voulais Là. dire Doubt. Adopt, il parlait même pas en plus. Mais c'est Dedans, vrai, non, mais c'était souvent, vraiment oui, vide. c'était Ah, l'inverse d'accord. de ça, justement. Donc, Mais non, c'est. voilà, c'est très bon. Et ben voilà, très très très bien. Je te propose. Alors là, du coup, Kurita, on va te laisser. Non, je plaisante, je plaisante. Si t'as des choses à dire, non, parce que je vois pour la suite, en fait, C'est Toon-Toon qui c'est parle. Toon-Toon à mort. J'en ai placé un aussi. Par contre, je te propose Toon-Toon. Alors, pour Happy, je te laisse toute latitude sur ce que tu souhaites nous dire. Par contre, pour les autres, si tu peux nous faire Ouais, la suite, je vais faire condenser, de toute façon, petit il n'y a résumé pas. facile. Voilà, si Kurita, tu souhaites intervenir, tu n'hésites surtout pas. Ouais. Donc, tu vas nous parler de Happy tome 14. Oui, parce que Happy, c'est mon coup de cœur. De mois Fan là, qui 2, viennent de quoi. passer. Happy, donc oui, c'est Urasawa. Donc, connais le personnage. Le tome 14, c'est l'avant-dernier tome, puisque la série se finit au volume 15. Et donc, forcément, on s'approche du dénouement. Et donc, la tension monte. Et il se passe des trucs dingues. Et du coup, dans ce tome, bah, il y a. Pff, il se passe, enfin, ouais, il y a énormément de tensions. Alors, on rappelle, c'est du tennis. C'est pas du shonen à proprement parler, parce que bon, il y a un côté shonen avec la progression de Miyuki, l'héroïne, etc. Mais il y a aussi un côté plus thriller, un peu plus sur ce que va faire Urasawa par la suite, puisque Happy a été publié avant Monster. Et voilà, c'est toujours très très bien dessiné. Enfin, les personnages de Urasawa sont ils sont juste nickel au niveau de l'écriture, au niveau de ce qui est raconté dans ce tome, la narration, etc. C'est vraiment très très bon. On ressent tout ce qui passe. C'est l'évolution de Miyuki et surtout ce qu'on va voir vers la fin du tome sur Shoko, donc sa rivale et qui est la grande méchante d'Happy et la plus grande méchante certainement que Urasawa ait fait dans un de ses mangas. Un revirement parce que c'est une fille très manipulatrice et tout, et il y a un changement très très important qui est, personnellement je m'y attendais pas du tout, et qui est juste exceptionnel. Et voilà, ça donne très très envie de lire le dernier tome, et c'est une série que je recommande absolument parce que de ce que j'ai lu d'Urasawa, c'est peut-être c'est difficile à classer, mais c'est vraiment une lecture que j'ai énormément appréciée. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur de ces deux mois, et j'attends impatiemment le tome 15 qui certainement être une bonne fin, j'espère, comme Urasawa ne sait pas les faire. Ascension 12. Pas grand chose à dire. Le manga, enfin, c'est toujours très très joli. Alors ça, s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est son dessin qui est magnifique. Et pour le reste, hein. Et pour le reste, c'est au niveau de l'histoire, j'ai l'impression qu'il se perd un peu, l'auteur perd un peu dans ses dans ses divagations et tout. Des fois on sait pas, enfin il y a énormément de sauts dans le temps, on sait pas trop parfois où on en est. Ça dure depuis quelques tomes déjà, mais ça reste toujours une lecture très impressionnante déjà, et puis qui est certainement un des meilleurs seinen depuis très longtemps. Voilà. Ok, alors Codebreaker 13, hein, qui porte très bien son numéro, je crois. Pourquoi tu lis ça? C'est ça, ouais. Personnellement, j'avais acheté le premier tome par curiosité. Donc, pour rappeler ça à ceux qui nous écoutent, Codebreaker, en fait, c'est le manga du... Kamijio. Qui a dessiné, c'est moi, Samurai Deeper Kyo. Voilà. Ouais. On retrouve du Samurai Deeper Kyo. De toute façon, j'en avais déjà parlé, je crois, dans mes décès. Quand tu dis ça, ça veut dire que c'est un bon point ou pas du tout? C'est oui et non. C'est-à-dire qu'on retrouve les bons points de SDK, donc une histoire... What the fuck? Plein de personnages assez intéressants, une histoire... Genre avec toujours le côté, on va toujours plus haut, tu sais, genre les sept démons de ouais, la Trinité... Ouais, c'est les grosses ficelles du shonen, quoi. Le truc, alors pourquoi je continue, je sais pas trop. Alors, en fait, ça me gonfle de plus en plus. Là, le tome 13 était plutôt sympa par rapport aux deux précédents. Mais bon, on sent que c'est toujours... Il y a des révélations pour faire des révélations. Des personnages qui changent de côté d'un coup, alors que les 12 précédents tomes, ils étaient tout le temps de ton côté. Et ça c'est nul. Hein. Mais non, mais c'est que le problème c'est que c'est c'est le cas pour 3 personnages par tome, quoi. Donc au bout d'un moment c'est un peu lourd. Et je continue parce qu'à chaque fois ils ont l'auteur a la bonne idée de foutre un cliffhanger de malade à la fin de chaque tome et qui te fait dire on sait jamais pour le prochain tome et tout. Et à chaque fois je me fais avoir. Et donc, je vais dire que je vais arrêter, mais je vous en dirai plus la prochaine émission. Ouais. Il y a 23 tomes hein, encore. Ouais, la série est encore en cours. Ah, c'est encore en cours. Oh non, c'est vrai? Ouais. Ouais. Donc je sais pas. Je vais peut-être jeter un coup d'œil au scan, voir où ça en est, si ça sert à rien que je continue ou pas. Enfin voilà, je vais voir. Je sais pas, mais en tout cas c'est pas une. Je recommande pas quoi. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Tout à fait. Alors, Zance Pedler, par exemple, tome 6. Oui, bah toujours très très joli, pareil au niveau du dessin. Le style de Night Owl est vraiment particulier, mais toujours très agréable. Au niveau de l'histoire, enfin, ça reprend ce qui s'était passé dans le premier chapitre, qui avait été complètement oublié par la suite, enfin dans la suite du manga. Enfin, on reprend ça. Le déroulement est plutôt sympa. Est sympa le bon, c'est un bon tome, franchement c'est un bon tome, et la série est parmi ce qui se fait de mieux en fantasy à l'heure actuelle, derrière Hubbleblatt et Berserk, Ah oui. enfin en horror fantasy, et voilà. Parfait. Court, concis, c'est tout ce qu'on. C'est parfait. Alors Nura, le tome 13, toujours tome 13, est-ce que c'est toujours aussi bien? Il me semblait C'est que trop bien, Nora, c'est trop bien. Pareil, c'est un. Enfin. Comment dire? Déjà, c'est des yokai, donc moi, les yokai, j'adore ça, donc c'est Ouais. très bien. Un excellent shonen, vraiment. Alors, au début, ça, les 2-3 premiers tomes, ça a mis un peu de. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je Un m'y peu de remette temps, parce que voilà. j'ai un peu Bah ouais, décroché. vraiment, parce que les 2-3 premiers arcs sont un petit peu. Enfin, voilà, c'est on voit les ficelles quoi, c'est pas extraordinaire, mais par la suite il y a une vraie montée en puissance. Là on arrive au tome 13 où il se passe encore plein de trucs, il y a une grosse évolution, et voilà, il y a beaucoup de très très bons personnages qui sont développés dans cette série. Le dessin en plus, enfin la façon de dessiner les yokai et les combats avec enfin façon un peu estampe. Ouais, ça c'est mieux. Qui est super joli. Le trait de l'auteur, bah, s'est encore amélioré. C'est vrai qu'au début, bah, c'était, enfin, on voyait les approximations. C'était sympa. Il y avait le côté estampe qui était sympa, mais c'était pas non plus. C'était assez approximatif, on va dire. Mais là, vraiment, l'auteur a gagné, a énormément progressé au niveau du dessin. L'histoire est très très. Est très intéressante, le développement est très intéressant, et il y a de la grosse baston qui fait mal, et donc du coup c'est cool. Psyron tome 11. Psyrène, bah, là c'est pareil, c'est enfin pas comment je vais pas dire que c'est le meilleur shonen ou quoi, C'est l'école des fans mais ce soir en fait. Hein. c'est hein. C'est l'école des fans ce soir. Hein. Ouais, non, mais c'est un peu ça, mais c'est. Enfin, en même En temps, même ils ont qu'à temps, on va arrêter pas de se plaindre. Hein. En même temps, on va pas acheter un faire manga des qu'on bons n'aime pas non mangas. plus Hein. quoi. Non, et Psyrène, c'est certainement ce qui se fait de mieux en termes de voyage dans le temps. Ouais, c'est du bon gros shonen aussi. Avec du voyage dans le temps qui est cohérent. Ça, c'est cool. Le dessin, j'adore. Je suis de ce que l'auteur fait avec son. Son trait un peu carré, enfin un peu pas abrupt, enfin pas trop comment dire, c'est ouais, c'est ça, un peu carré au niveau de ses personnages et tout. Très joli décor aussi, mais il y a encore plein de révélations dans ce tome. Ça va pas arrêter, ça va pas s'arrêter tout de suite, puisque là on est au tome 11, il y a 16 tomes et il va se passer encore beaucoup de choses. Mais c'est une excellente série, j'ai lu la fin, enfin j'ai lu la série en entier. Jusqu'au bout, c'est une très bonne série. C'est pareil, c'est vraiment monté en puissance ces 5-6 derniers tomes. Et c'est une série relativement courte, donc si vous avez l'occasion, franchement, jetez-vous dessus, c'est du très bon shonen. Le dessin, j'avais l'impression que c'était assez, faisait assez rétro. Ça fait un peu. Alors, Shonen années si on peut 90. comparer ça, ça fait un peu Dragon Ball. Yu Yu Enfin, son Hakusho Dragon aussi, je Ball Z, trouve. enfin, Oui, Yu après Yu l'arrivée Hakusho, des ouais. Saiyans. Yu Yu Hakusho, je trouve. Ouais, il y a un peu de ça aussi. En plus net. Oui. Forcément. C'est pas dur, hein, c'est pas dur. Mais ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Dragon Ball. C'est très. Ouais, c'est très carré au niveau de. On le voit surtout sur les vêtements, où on voit les pliures. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pareil, enfin, après, au niveau narration, au niveau découpage, etc. Il met très bien en avant les scènes d'action, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de dialogues aussi très intéressants, des révélations et tout. C'est vraiment. Pour moi, c'est un de mes derniers gros coups de cœur. Enfin. Mes derniers, pas vraiment, puisque je l'ai lu à l'époque, je l'avais lu quand il était au Japon. Mais là, de ce qu'il y a actuellement, c'est vraiment une des grosses valeurs sûres du marché. Ok, alors on va passer à un petit manga qui fait son petit bonhomme de chemin quand même. Parce qu'on est quand même au tome 65 en France. Je veux bien évidemment parler de One Piece. Bah, One Piece, c'est One Piece. C'est très bien. Ouais, c'est. C'est très bien. Il y a juste. Voilà, je vais redire ce que j'avais dit au bilan manga. C'est que le format, c'est plus possible, quoi. C'est trop petit. Les dessins sont encore plus chargés qu'avant. Enfin, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il fout encore plus de détails dans ses dessins. Alors, c'est C'est très très dans joli. c'est quel arc là? Là, ils 60. sont sur l'île des hommes-poissons. Ouais. Ah oui, c'est vrai que dans celui-là, c'est assez Là, chargé, ils je sont trouve. vers la fin. Je pense que il se finit au tome 66 Ouais, c'est donc ça. le prochain. Et c'est enfin l'arc, je l'ai trouvé très bon avec Ouais, pas mal c'est de vrai choses que. intéressantes. Peut mieux faire, mais il était pas mal quand même. Bah après, C'est un truc enfin de transition, donc. ouais, Avec le ça. nouveau Bah, monde. on retrouve, c'est la première grosse baston avec. Depuis le retour, enfin depuis la pause de 3 Ouais. ans. Donc voilà, on voit un peu ce que l'équipage est capable de faire depuis leur entraînement, justement. J'aime bien les histoires enfin l'histoire qui est développée, etc. Avec notamment, alors, je sais plus, c'est Audi, je crois, qui s'appelle. Ouais, avec la drogue des poissons. Voilà, enfin, j'ai trouvé ce personnage super intéressant. Ouais. Et voilà, le seul truc qui me pose problème, c'est que ça mériterait un grand format et que voilà, le format actuel est beaucoup trop petit. Et en même temps, on va pas le changer maintenant. Donc C'est un format normal pourtant. là, il est un peu plus petit que les autres. Enfin, que les autres, que la plupart des shonen, même ceux de Glénat, par exemple, les Bleach, ils sont un peu plus grands, il me Alors qu'il semble. n'y a rien à montrer dedans. C'est plein de vide, hein. Ouais, mais ça Ouais. coûte moins cher en encre. Ouais, c'est vrai. Plus cher en papier. Alors, ah non, c'est à mon tour, hein. C'est à moi. Ouais, bah oui, hein. Level E, tome 3, exact. Alors, Level E, donc c'est toujours Level E, même, on va le faire à l'anglaise, Ça la fait bizarre, japonaise. level E. Donc c'est de Yoshihiro Togashi, donc auteur de Yu Yu Hakusho, de Hunter x Hunter, et donc le tome 3. C'est le dernier, donc c'est toujours. Dessinateur à ses heures perdues. C'est ça, quand il est décidé. Et là, c'est le tome 3 est vraiment excellent. Notamment, il y a une histoire centrale qui est vraiment très très bien. Et encore, j'en dirai le moins possible pour vous garder de tout spoiler. Pour que vous puissiez quand même découvrir les uns et les autres le manga. C'est toujours aussi bavard, c'est toujours aussi bien dessiné, notamment au niveau. Alors. Quand je dis aussi bien dessiné, c'est au niveau des personnages, au niveau des visages. D'ailleurs, on retrouve des personnages qui sont identiques dans Hunter x Hunter, puisque pour rappel, Level I a été dessiné, édité entre Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Ouais. Donc, les pistes étaient vraiment intéressantes pour la suite d'ailleurs. Alors, on retrouve. Il y a une partie avec des insectes, donc je ne peux m'empêcher de penser, en voyant ça et en voyant l'arc Chimera Ends, qui est sur lequel on est toujours, qui est toujours en cours d'ailleurs dans Hunter x Hunter, Je ne peux m'empêcher de penser que l'auteur est fan des insectes. Parce qu'il a, voilà, il. Chimera Ants va devenir certainement une des l'arc le plus long de Hunter x Hunter, vu qu'il n'est pas encore terminé et qu'il y a encore certainement plusieurs tomes en cours. Ouais, ça fait bien 10 tomes qu'il a commencé là. C'est ça. Un petit peu plus parce qu'il me semble que c'était au tome 17 ou 16. Ouais, c'est par là. Donc voilà, mais voilà, au niveau du dessin, c'est. Bah, c'est du Togashi qu'on va pas. Si vous connaissez ce que fait Togashi, il y a les forces et les faiblesses du dessin qui sont là. Et c'est pour une série en 3 tomes, vraiment je la conseille, même si elle est très frustrante parce qu'elle s'est évidemment terminée trop tôt, faute de succès. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu se faire, ça montre que. Il y avait un potentiel vraiment, vraiment intéressant dans ce manga. Mais bon, les lecteurs ont décidé autrement. Et derrière, il y a Hunter x Hunter qui est sorti. Donc, c'est pas plus mal par rapport à ce qu'on connaît d'Hunter x Hunter, notamment toute la première partie. Donc, je conseille, de toute façon, ces 3 tomes, ça se lit très rapidement. Et puis voilà. Alors on va terminer deux derniers. Alors un dernier tome, un dernier volume de manga qui est Team Medical Dragon, le tome 23. Alors Yeah. quand je vois ça, je me demande, mais Tuntun, combien as-tu d'étagères chez toi? Parce qu'entre le tome J'en ai racheté une 66. en début de semaine. Entre le tome 65 de One Piece et le tome 23 de Team Medical Dragon. Alors explique-nous qu'est-ce qui t'intéresse dans ce manga et est-ce qu'il est toujours intéressant à suivre, hein? Oui, il est très très intéressant. Donc Team Medical Dragon, c'est une série sur le médical. Sur les Enfin dragons. voilà, ça se passe dans. Non, pas sur les dragons. Team Medical Dragon, d'ailleurs, pour. Enfin, si t'avais lu le manga, tu saurais. Mais Team Medical Dragon, en fait, c'est une équipe de médecins internationaux qui bossent avec l'ONU et donc qui va sur. Sont des médecins de guerre, en fait. Et donc le héros fait partie enfin faisait partie de cette équipe et au début du manga il est débauché par le docteur Kato qui est une médecin qui veut devenir professeur dans son hôpital et pour ça en fait elle est comment dire. Elle met en place, elle développe une nouvelle façon d'opérer une certaine maladie, un nouveau procédé. Donc, elle va chercher ce médecin qui est réputé comme excellent, etc. Ce chirurgien, pardon. Et donc, après, il y a toute une histoire qui se met en place. Et là, on arrive au tome 23, sachant que la série finit au tome 25. Et depuis le début, c'est excellent. Et ce tome 23 est toujours excellent. Parce que, alors là, on met un peu de côté, parce que dans la série, on met beaucoup en avant l'aspect politique, c'est-à-dire qu'il y a des élections pour devenir professeur. Et il y a tout un système. C'est basé énormément sur la politique, etc. Les relations entre les personnages. Et puis une réflexion aussi sur le système de santé japonais. D'ailleurs, suite à ce manga, il y a eu des réformes qui ont été votées pour le système de santé japonais. Comme c'était le cas pour Say 2, au moment de C'est Say 2 Yellow to Double Jack. Blackjack. Ouais, c'est un peu à peu près le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été évoquées dans le manga et donc été réformées par la suite. Dans la vraie vie, quoi. Et donc là, dans ce tome 23, on met un petit peu de côté ce côté politique, même si toujours c'est toujours présent, parce qu'en fait, donc il y a un interne qui est voilà, au Japon, les internes n'opèrent pas et ne font rien. Donc en fait, ils se retrouvent à devoir opérer. Le héros du Ryuzaki, le héros du manga, parce que voilà, il s'est passé quelque chose que je vais pas révéler. Et qui voilà, est-ce qu'il va opérer, comment il va faire, etc. Quelle équipe il va prendre. C'est très très intéressant et c'est superbement dessiné. Enfin, c'est très très précis dans le dessin. Et puis voilà, toute l'intrigue, tout ce qui se passe dans ce tome est très important pour la suite. C'est un des événements majeurs du manga et c'est super intéressant ce qui se passe et le déroulement de, enfin la narration, déroulement des chapitres, etc. Chaque chapitre se précise sur un thème tout en déroulant l'histoire, voilà. Et c'est très bien fait et c'est un très très grand manga et qui est malheureusement qui passe un peu trop inaperçu et voilà, on arrive à la fin. 25 tomes, c'est relativement court, mais c'est vraiment un manga qui mérite qu'on se penche dessus parce que c'est un excellent seinen et voilà, je le recommande vivement. Bah très bien, on a terminé sur les mangas. Je te laisse quand même la parole une dernière fois par rapport à un livre qui est sorti début janvier qui s'appelle Le meilleur du manga 2013. Et contrairement aux 120 indispensables du Incontournable, je manga, crois. incontournable, pardon, oui, tout à Ouais, fait. enfin, de toute façon, c'est nul, donc faut pas l'acheter. Mais je me Voilà, par souviens contre, du titre. celui-là était plutôt et même très intéressant dans son approche Puis là, ouais, est de complètement différent. 2013. Déjà, il se base sur. Donc là, c'est le meilleur du manga 2013. Mais ça se base sur tout ce qui s'est passé en 2012. C'est écrit par Sébastien Kimber, je sais pas comment on dit, mais. Kimber ou Kimber. Notamment pigiste chez Animeland et d'autres magazines d'actualité manga. Manga et animé. Il a traduit notamment Bye Bye My Brother aussi et Mirai Nikki. C'est plutôt très sympa à lire. Il y a beaucoup de choses d'aborder. Donc le fait 190 pages. C'est du papier brillant, de bonne qualité, tout est en couleur et ça coûte 8 euros. Donc c'est plutôt très correct au niveau du prix. En fait, ce qu'il y a dans ce truc, c'est déjà il y a un classement des 20 meilleurs mangas de l'année 2012. Et pour établir ce classement, ils ont pris quelques 120 jurés, donc des libraires, des Journaliste, blogueurs, de quoi? des journalistes, hein. Des journalistes, des blogueurs, des éditeurs, enfin, des consommateurs lambda, ils ont pris un panel assez large, 20 à 50, un peu plus de 50 ans. Et donc, ils leur ont demandé de faire un classement des 5 meilleurs mangas, et puis ils ont compté les points, comme ça. Et donc, ce qu'il en ressort, bah, c'est un classement plutôt, enfin, avec lequel moi je suis plutôt en adéquation, après pas forcément dans l'ordre tel qu'il est proposé, mais voilà. Donc ça c'est le, en gros c'est le premier chapitre où on a ce classement qui nous est proposé, nombre de points, etc. Donc on a juste pour faire une petite liste vite fait, on a Bright Stories en premier, One Piece, Billy Bat, Bonne nuit Poun Poun, Yotsuba, Terma Hiromae, Les vacances de Jésus et Bouddha, Bakuman, Soil, Prophétie, I Am a Hero, Vinland Saga, Ikigami, Ashita no Joe, The Hermit's Peddler, Fun Day Burst, et ça fera plaisir à Romain, Princesse Jellyfish, Stone Ocean, Kamuiden et She, une vie de chat. Donc C'est c'est. Enfin, moi je suis plutôt. Il vrai qu'il y a des bons titres en dedans. y a des bons titres, il y a peu de très grosses machines à part One Piece, les Naruto, Fairy Tail et autres sont absents. Il y a des mangas populaires, mais dans l'ensemble c'est quand même enfin c'est quand même un classement de qualité, je trouve. Il y a peu d'oubli sur l'année 2012. Et voilà. Et donc après on a un petit alors sur les trois premiers, notamment donc le premier Bright Stories, il y a un long article. Le manga qui donne des chiffres aussi pour One Piece, ils font ça pour la suite, enfin pour un petit peu pour les autres mangas aussi. Et il y a aussi une longue interview de Kaoru Mori, donc l'auteur de Bright Stories. Donc toute cette partie-là est super intéressante. L'interview est très très intéressante. Tout ce qui est tous les descriptifs des mangas du top, bon, à part Vinland Saga, ou sur lequel je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Mais voilà, c'est nuancé. Ils font pas non plus totalement l'éloge. Ils parlent des points faibles aussi. Après, après ce classement, il y a toute une série d'articles donc sur le média manga au Japon ou en France, avec un article sur les séries fleuves au Japon, sur le musée international du manga de Kyoto, qui est très très bien. Et une interview de Rei Thomas aussi, de l'auteur de l'Arcane de l'Aube. Donc voilà, il y a de très bons articles. Il y en a aussi qui sont tout à fait dispensables, comme 10 points pour lesquels il faudrait lire Fullmetal Alchemist, que je trouve pourri en fait. Mais sinon, voilà, il y a des super interviews. Il y a des pages où on voit sur une page un auteur japonais qui va dire ce que les mangas qu'il aime lire. Et voilà. Et à la fin, ah oui, alors ça c'est intéressant aussi, c'est qu'à la fin, il y a le détail des votes. C'est-à-dire que sur 30 pages à peu près, on a tous les votants avec leur top, et une petite description de eux, ce qu'ils font, et de pourquoi ils ont choisi ces mangas. Donc ça, c'est intéressant de voir tout ça. Qu'il y en a, par exemple, c'est un peu genre Sébastien Abdelhamid, on peut s'en passer. J'étais sûr que tu allais faire cette remarque. Parce que je l'ai bouquiné, et j'étais sûr que tu allais faire cette remarque. Non, mais voilà, après il faut un panel large. Il y a des gens que je connais dedans. Ouais, mais J'ai bah, moi feuilleté le aussi, truc. Ouais. notamment une libraire de ma ville pour. Mais sinon, ouais, c'est sympa. Et il y a des petites infos aussi régulièrement, des petites triviales qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, pour le prix, c'est vraiment une très très bonne lecture. On peut apprendre des choses, notamment sur ce qui est au Japon, des trucs sur le morning par exemple, etc. Après, ça parle pas assez, je trouve, de l'état de l'édition en France. Mais il y a des sujets très intéressants, et dans l'ensemble, c'est plutôt bien écrit. Donc c'est vraiment un truc que je recommande. Plus que les 120 incontournables. Mais forcément, ouais. C'est pas très dur. C'est pas. Non, absolument pas. Tout D'ailleurs, ils en parlent un peu. à Parce qu'ils régulièrement aussi, ils font des. On est entre les articles, ils font des petits sur genre les mangas sur les yokai. Ils font un truc Ouais. sur ah si, ils font un récapitulatif aussi sur les différents mangas, les prix qui ont été décernés en France pour l'année 2012. Donc ça, c'est intéressant aussi. À un moment, ils parlent des bouquins qui traitent du sujet manga, mais qui ne sont pas des mangas. Donc, par exemple, la Ouais. monographie d'Urasawa, voilà, donc dedans il y avait les 120 incontournables. Donc il disait du bien, j'étais pas trop d'accord, et puis à la fin il disait un peu plus de mal, donc là j'étais plus d'accord. Mais sinon, voilà, non, c'est vraiment un. Enfin, j'ai été surpris parce qu'en plus, voilà, c'est Kazé qui édite, mais ça parle vraiment de tout, et c'est pas centré sur Kazé. D'ailleurs, c'est pas tant. Enfin, voilà, Je crois que dans le classement, il n'y le a même pas classement, beaucoup. y a pas grand-chose de Kazé, Ouais. vu que c'est fait par des indépendants. Donc Ouais. non, c'est très bien. Parfait. Donc, alors, je vais vous demander avant de terminer à chacun donc, de vous rappeler sur ce mois de janvier-février votre top et votre flop si vous en avez un. Hein. Kurita. Alors mon top, bah, c'est Silver Spoon. Et mon flop, bah, pff, rien de spécial, franchement. J'ai tout aimé, tout ce que j'ai vu. Voilà. Tu peux pas mettre Codebreaker ? Bah, je l'ai pas lu. Oui, mais bah, je vais le mettre quand même, alors. C'est trop bien. Bah, tiens, ouais. Alors, en top, je vais mettre donc, le 6e tome de Bonne Nuit, Poun Poun. Et en flop, bah, sur ce que j'ai lu, j'ai un peu pareil, c'est un peu l'école des fans, mais je dirais Codebreaker et Doubt. Parce que c'est ce qui est totalement Doubt gratuit, d'ailleurs. Sur un deck, quoi. Tout à fait. Après, il est sorti il y a 4 ans, quoi. Ouais. Non, c'est Judge. Oui, il y a Judge aussi, tiens. Bah, Judge, c'est pourri, ça. Voilà, ça c'est encore la même chose. Et il y a des gens qui achètent. Ah, c'est ça le pire. Ça se vend, ouais, c'est ça qui est ouais, ouais. Les gens n'ont aucun sens critique, c'est fou, quoi. Toon. Mon top, Happy 14. Oui. Et mon flop. Codebreaker. Codebreaker, mais je mettrai une petite déception sur Silver Spoon quand même. Oh. Mais c'est mieux juste que Codebreaker. Déception, c'est personnel. Je recommande quand même d'acheter le manga parce que. Ah d'accord, mais c'est mieux que Codebreaker. C'est mais c'est vraiment. Ouais, non, Codebreaker, voilà. C'est ce qu'il y a de pire de ce que j'ai lu. Ça marche. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce qu'on avait pu lire en ce qui concerne le manga sur les mois de janvier et février de l'année 2013. Donc je vous dis à tous au revoir et puis à une prochaine. De toute façon, on se retrouve pour l'émission qui concerne les mois de mars et avril. Voilà, bonne soirée, bonne journée, quelle que soit au revoir. À laquelle vous nous écoutez. À bientôt. Salut.